Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, le débat pour un nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay risque d'être relancé depuis belle ce matin dans le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, Gilles Courteau, a mentionné qu'un nouvel amphithéâtre serait le bienvenu à Ville-Saguenay pour remplacer le Centre Georges Vézina. Rappelons que le Centre Georges Vézina a été construit en 1949, donc les Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont la plus vieille amphithéâtre de toute la Ligue de hockey junior du Québec. Également, ben, Gilles Courteau, on sait que l'ancien maire de Ville-Saguenay, Jean Tremblay, avait présenté un projet de rénovation du Centre Georges Vézina au coût de 25 millions en 2016. Certainement qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la déclaration du commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, Gilles Courteau, dans le Journal de Québec de ce matin. Parlons maintenant des Marquis de Jonquière. Les Marquis de Jonquière ont vu James Desmarais être sélectionné à 3e étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. En deux matchs en fin de semaine, Desmarais a marqué 3 buts et avancé une passe pour 4 points. Maintenant, le club de golf, plutôt les amateurs de golf de Saint-Prime auront droit cet hiver à un nouveau golf intérieur. En entrevue hier sur les ondes de danazosport.com, Le promoteur du projet, Louis Lapierre, a expliqué que c'est un projet quand même qui se rapproche beaucoup, beaucoup de la réalité et des vrais terrains de golf, explique Louis Lapierre. OK. Puis ça permet, j'imagine, à quoi ça permet à jouer au golf. Est-ce que c'est vraiment proche de la réalité qu'on pourrait dire? C'est très proche de la réalité. En fait, c'est deux technologies qui s'appellent TrueTrack. OK. Ça, c'est... cette technologie-là, ça capte en fait le bâton, puis c'est un système sonore. Okay. Alors, le bâton, lui, il y a dans le fond, il y a la trajectoire du bâton, l'angle du bâton à l'impact, la vitesse du bâton. Après ça, les autres données, c'est la balle qu'il donne. Il y a la distance parcourue, la vitesse de la balle, la rotation de la balle, l'angle du décollage. Alors, ça, c'est toute une multitude de données qui sont calculées, puis on se rapproche de la réalité très, très près. Il y a combien? Et dans un deuxième temps, ben, il mentionne évidemment qu'il va ouvrir à la population. Parce que comme je vous expliquais tantôt, le capteur, lui, capte la donnée l'angle du bâton, à quelle angle qui passe. Alors on voit si on rentre avec un fer qui est fermé, on rentre avec un fer qui est ouvert, fait que ça aide beaucoup notre golf pour corriger ces petites affaires-là qu'on voit pas nécessairement sur le terrain. OK. Combien jusqu'à maintenant qu'il y a d'adeptes? Dans un dernier temps, ben Louis Lapierre mentionne évidemment que plusieurs membres sont membres du club de golf de Saint-Prime. J'imagine que oui, hein? Oui, la majorité de mes membres présentement sont tous des membres au club de golf Saint-Prime que je connais. Puis, eux autres, ils ont embarqué tout de suite dans mon projet. Je les avais approchés, moi, premièrement, pour voir si ça valait la peine, parce que on n'achète pas une machine de ce prix-là en sachant qu'on s'en va... qu'on s'en va à nulle part, en fait. Fait que j'avais approché chez ces gens-là, puis ils ont embarqué tout de suite avec nous autres, puis j'en ai environ, pour le moment, j'ai environ 18 membres. Okay. Moi, je veux monter ça un petit peu plus, mais il faut pas non plus, parce que les heures, c'est sûr que rien qu'une machine, là, les heures sont faut l'ouvrir. Alors maintenant, de patinage de vitesse sur contre-piste, il y avait une compétition qui s'est déroulée en fin de semaine à Donnacona. 110 patineurs étaient présents à une compétition de patinage de vitesse. Et du groupe 1 masculin, Alexandre Simard de Saint-Félicien a terminé en première place. Maintenant, à noter que également dans le même groupe 2, Simon Simard, 10e position. Aussi à noter que du côté du groupe 4 masculin de Boom Sassini, Jérôme Girard a terminé en 5e place. Et aussi, à noter, du groupe 1 féminin, Kiera Pagé, qui a terminé en 10e position. Et je termine avec une compétition de curling qui se déroulait en fin de semaine à Robertval. C'était un tournoi qui était un tournoi des retraités. Et en finale du C, il y a deux équipes de Dolbeau-Mistassini qui étaient en action lors de cette finale-là. Et Daniel Fortin de Dolbeau-Mistassini a quand même perdu lors de cette finale. Daniel Fortin qui a perdu en finale du C contre la formation de Raymond Lavoie. J'invite à écouter la section entrevue de danazosport.com. On s'est entretenu hier d'abord avec le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa, Nicolas Saint-Pierre. On sait que ça va pas bien du côté des Sénateurs. Plusieurs défaites pratiquement consécutives. Matt Shane qui ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez écouter ce que le descripteur radiophonique des Saints avait à dire là-dessus. Et vous pouvez également écouter la chronique ou encore Louis Lapierre qui nous parle du club de golf de Saint-Prime intérieur. On sait qu'il y a une nouveauté cette année à Saint-Prime. Le sport local et régional, à dernier de sport.com. On s'en occupe.